Antenne, deux secondes. On va se marrer. Pendant deux heures. Antenne. Un jeune va voir son revendeur de shit attitré dans une cité juive. Hé, hey, Lévi, t'as pas du shit? Shit, un peu de silence, quoi, c'est qui pour? Bah, c'est pour WAM. Et voici un communiqué, non, pardon, et voici une réclamation de Maurice. Ah oui, ça, j'ai une réclamation à vous faire. Ah. Ça, j'écoute, comme tout le monde, Radio Plus l'après-midi. Sur quelle fréquence? 89.2. Il a bien fait. C'est marqué en gros. C'est marqué gros en gros à côté de lui. Oui. Voilà. Oui. Et je me suis aperçu que Régis avait un sponsor. Oui. Régis ? Oui. Mais c'est qui ce Régis ? C'est celui qui anime l'après-midi. Ah, d'accord. Voilà. Oui. Et devine qu'est-ce que c'est comme sponsor ? Je sais pas. C'est les intercaves des temples. Oui, les intercaves. Et, oui. Et nous, on a la base de loisirs. Mais toutes les émissions ont un sponsor. Oui. Mais c'est quoi le sponsor de l'émission Solid Gold de Frédéric Costet? C'est Sani Broyeur. J'ai d'excellents conseils à vous donner. Par exemple, comment supprimer les odeurs d'égout. Vous savez, quand à un endroit où il y a un siphon... Tu dis à ta femme de remettre son slip. Ou de fermer la bouche. Ça fait courant d'air. Voilà. Un endroit où il y a un siphon oui. qui s'évapore régulièrement et forcément, ça sent les égouts. Il faut faire attention parce que quand il y a des siphons, il y a souvent des marionnettes. C'est vrai. Oh ah, siphon, faux. Merci. Bon. Philippe est en train de se morisser. Alors, comment tu ferais, Momo? Je sais pas, je mettrais de l'eau de Javel. Oui, mais ça s'évapore aussi, hein. Ouais. Eh bien, vous mettez de l'huile, car l'huile s'évapore beaucoup plus lentement que l'eau, et donc ça garde le siphon plein. Mais de l'huile de vidange? L'huile, non, de l'huile à manger. Ah, de l'huile. Puis tu fais les frites, quoi. Voilà. Bon, ça vous plaît? Dans les goûts. Oui. Bon, c'est bien. Merci, Bob. De rien, merci, c'était gratos. On va essayer. Alors, c'est à quelle heure il est? Oui, je peux la faire. C'est un gars qui branche une nana en discothèque. Alors, la fille vient, ben oui, tu veux monter un petit... J'ai un 4x4, là, on pourrait faire un tour dans mon 4x4. Ben oui, mais enfin, je sais pas si tu vois avec la lumière, mais je suis rousse. Ben alors, je suis gêné parce que tu sais, il paraît que les mecs aiment pas tellement les rousses parce qu'ils disent que ça pue. Oh ben non, attends, il y a aucun problème. Moi, tu rigoles. Attends, le mec, il a envie de tirer son coup. Bon, allez, on y va. Il l'emmène dans le 4x4. Ils arrivent dans le 4x4 et il dit non, mais je voudrais pas que tu me fasses des réflexions. Non, t'inquiète. Allez, j'attaque, je broute Minou. Il commence à se mettre à l'attaque. Et elle lui dit c'est bon, il n'y a pas de problème de. Non, pas de problème, vas-y. Et hop, puis au bout de 2 minutes. Et puis il sort un espèce de truc. Ah, oh, mais attends, mais c'est un spaghetti, ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis un peu plus loin, mais il y a un morceau de merguez. On s'est dit, oui, je suis désolé, mais le précédent, il n'a pas résisté à l'odeur. Ah oui. Alors, il y a une fameuse histoire. Alors, c'est un peu de l'ardif, mais il y en a peut-être qui ne la connaissent pas. Et je sais que sur cette station, il y a des gens qui aiment bien cette blague, puisque tu parles de chèvres, la fameuse histoire des moutons. Le gars qui a un troupeau de brebis et son mouton est mort et il se dit mais attends mais comment je vais faire pour faire couvrir mes brebis? Alors il va voir un de ses collègues pour lui prêter son tu pourrais pas me prêter ton mouton là parce que j'ai mes brebis à faire sauter et j'ai plus de. Bah écoute attends, moi il y a longtemps que j'ai plus de mouton. Quand ça t'as plus de mouton? Je fais ça moi-même. Tu fais ça toi-même? Je fais ça moi-même. C'est pas compliqué. Tu te tapes tes brebis. Le lendemain tu regardes. Celles qui sont au soleil, c'est que ça tient. Celles qui sont à l'ombre, c'est que ça a pas tenu. Tu leur en remets un petit coup. Ah. Bon. Alors le mec il dit bon, je vais quand même pas dire ça à ma femme. Le soir il dit je vais me fumer une petite cigarette, Simone. D'accord. Il descend, il charge le troupeau de brebis dans la camionnette. Mais il y a pas de mais. Il emmène tout le monde dans la clairière. Clac la brebis. Mais non. Il ramène tout son petit monde. Le lendemain matin il se lève, il regarde à la fenêtre. Purée, il y a une brebis au soleil. Toutes les autres sont à l'ombre. Bon, il se dit, j'ai peut-être pas, je me suis peut-être trompé de trou. J'ai pas... Alors, bon, le lendemain soir, je vais sortir le chien. Mais il est mort il y a 4 ans. Oui, mais je vais le déterrer. Alors, il ressort les brebis dans la camionnette. Mais je t'ai dit, ferme ta gueule. Ah non. Dans la clairière. Oui, il y en a une qui n'est pas huilée. Alors, ça couine. Le lendemain matin, il se lève, il y a 2 brebis au soleil. Oh. Oh là là. Et comme ça, pendant une semaine, tous les soirs, la camionnette, les brebis dans la clairière, clash. Le lendemain matin, et comme ça, une semaine. Et au bout d'une semaine, il n'en peut plus. Il a perdu 10 kilos, il ne peut même pas se lever le matin. Il demande à Simone, dis-donc, rends-moi un service. Tu peux regarder par la fenêtre? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et dis-moi, tu peux me dire également combien il y a de brebis au soleil et combien il y a de brebis à l'ombre? Elle dit, bah écoute, je suis ennuyé, Robert, il n'y en a aucune au soleil et aucune à l'ombre. Comment ça? Oui, elles sont toutes dans la camionnette et puis il y en a une devant qui klaxonne.